Vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller trois podcasts sur un thème particulier. Saviez-vous qu'en 2021, il s'est créé dans le monde, à peu de choses près, deux podcasts par minute? Pas évident de s'y retrouver tant les nouveautés foisonnent. Et c'est un peu pour ça qu'à la médiathèque, nous avons eu envie de lancer ce podcast, pour vous aider à y voir plus clair. Mais si ce n'est pas assez, si vous cherchez d'autres idées d'écoute, vous tombez bien, puisque pour ce cinquième épisode, je vais vous parler de podcasts qui parlent de podcasts. Le premier est l'œuvre d'un passionné, d'un auditeur compulsif qui réussit l'exploit d'écouter 25 heures de podcast dans sa journée. En tout cas, c'est l'impression qu'on a à la vue de sa liste d'écoute. Clégo, dans son podcast La Mise à Jour, prolonge un travail démarré à l'écrit en 2020. Sur un blog, il partage ses écoutes, élabore et maintient des listes thématiques et participe à la vie d'une communauté bouillonnante, celle du podcast. Et, à force d'en écouter, il a franchi le pas et la porte du studio. Il a donc lancé son podcast. Régulièrement, il va publier un épisode dans lequel il revient sur ses dernières découvertes. Parsemant ses avis d'extrait, il aborde tous les thèmes, car comme ses goûts, ses recommandations sont très éclectiques. Il est concis et fait ressortir le meilleur de chaque podcast présenté. Et puis, il aime varier les plaisirs puisqu'il vient de lancer un format en duo où c'est son invité qui parle des podcasts qui l'ont marqué. Si vous cherchez des podcasts qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas repris à tour de bras dans les classements des Arocama, je vous invite chaudement à suivre son travail. Écoutez-le, lisez-le, suivez-le sur Twitter, et votre liste d'écoute ne désemplira jamais. Autre salle, autre ambiance, mais même passion, avec le podcast Sans Algo de Mathilde Mélin. Journaliste spécialisée dans les podcasts, elle a lancé pour Slate son propre format, dans lequel elle partage chaque semaine un titre qui l'a marqué. Enjouée sur la forme, sérieuse sur le fond, elle privilégie les podcasts natifs, sans chercher à rester dans l'actualité brûlante. Mais tout l'intérêt de Sans Algo, encore un titre génial soit dit en passant, réside dans les entretiens que Mathilde réalise avec les créatrices des podcasts présentés. Elle prend le temps d'installer une conversation chaleureuse où ses interlocutrices et interlocuteurs ont tout le loisir d'exposer leur processus de travail. Sans langue de bois, il et elle s'expriment sur leur motivation, sur leur réussite, ou sur les obstacles rencontrés sur le chemin de la création. J'apprécie vraiment que Sans Algo nous ouvre l'envers du décor, car la proximité installée ici renforce le sentiment d'intimité qui découle de la nature même du média podcast. Et vous pouvez écouter Sans Algo dans l'un ou l'autre de ces formats. Le court, qui se concentre sur le titre de la semaine, et le long, qui intègre l'actualité du monde du podcast. Et dans les deux cas, je suis certain que vous prolongerez l'écoute avec la reco de Mathilde. Pour terminer, je vous emmène sur la plateforme PodCloud. À la fois annuaire et hébergeur, PodCloud occupe une place de choix dans le paysage podcastique. Leur catalogue recense des milliers de titres. Vous cherchez un podcast sur le maquillage? Ils ont. La plongée sous-marine? Ils ont. Les commentaires des sites de vente? Ils ont aussi. Et pour mettre cette richesse en valeur, ils ont lancé cette année le podcast de la semaine. Leur idée, c'est de laisser le micro aux podcasteurs et podcastrices pour qu'ils et elles présentent leur travail. Les personnes intéressées s'inscrivent sur une liste et les épisodes sont enregistrés et diffusés suivant l'ordre d'arrivée. En une dizaine de minutes, Phil Good, l'un des fondateurs de PodCloud, les accueille et les interroge sur leur podcast. Avec un ton très décontracté, on découvre des titres très différents. Les premiers épisodes m'ont fait connaître par exemple un podcast sur les jeux vidéo ou encore le journal audio d'un podcasteur vétéran. Je vous encourage à vous abonner à leur flux pour connaître chaque lundi matin le podcast qui embellira votre semaine. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous aimez ces podcasts, parlez-en autour de vous. Le bouche-à-oreille est leur meilleure promotion. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. D'ailleurs, si vous voulez découvrir encore plus de podcasts, nous avons créé une page spéciale sur le site de la médiathèque. Un moteur de recherche vous permet de fouiller parmi les presque 350 titres que nous avons recensés. Vous retrouverez le lien vers cette page ainsi que les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'espace Image et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et comme vous êtes resté jusqu'au bout, voici un indice sonore pour le thème du prochain épisode.